ciel si clair, si pur était l'air. On passait nuit et jour à boire à l'amour. Il y a si longtemps que j'ai bu à l'amour, coulé coule les jours. J'attends ton retour, la rivière est au courant de nos folles amours. Le saumon de mon rêve remonte la rivière, mais aujourd'hui sur notre île, la vie est fragile. Comme la vie est brève, quand finit.